veux passer dans les pompes et garde le futur dans la tête. Les épreuves se font nombreuses, j'ai peur de ne pas m'en remettre. J'ai le poids de ce qu'on regrette. Chaque jour on se remémore. Je ne ris plus quand on fait la fête, ne pleure plus quand on commémore. Je ne ressens plus la tristesse, je n'ai plus la foi. Les années défilent en vitesse et je ne ressens plus la joie. Condamné seul au monde je suis, maudit je l'ai mérité. Poursuivi par le mal, je fuis mes mensonges, mes vérités. Mon cœur aurait rendu l'âme, c'est une possibilité. Mon âme n'aurait plus de cœur, toute insensibilité. Mon miroir et son reflet ne se contentent plus de moi. Et même quand mon cœur saignait, mes yeux ne le pleuraient pas. Dans la rue pendant que mes doutes sont à la fenêtre, car toutes ces épreuves me tuent et mon cœur n'est plus à la fête. Tous tes choix ne sont que tes regrets, chaque jour c'est moi qui les déplore. J'ai plus qu'à l'intérieur de ma tête, cherchant une lame pour te croire encore. Prisonnière de cette vie terne, je n'ai plus la foi. Nos années défilent en tristesse et je n'entends plus cette voix qui me dit reste encore à ses côtés. Mon paradis j'ai mérité. Poursuivi par tous ces drames, je ne rêve que de vérité. Mon cœur se vide pour une larme, une triste réalité. Mes larmes n'ont même plus de cœur, doute de ta sincérité. Cette vie noire en reflet accompagne chacun de nos pas. Une seule âme en regret, mais tes yeux ne me pleurent pas. Cœur fermé ne réclame plus tout ce qui comptait pour moi. Il voudrait écrire des pages sans plus jamais s'engager. Tous nos espoirs qui voyagent n'ont plus aucun passager. Si on m'impose plus de douleur, vous non plus ne pleurez pas. Je n'arrive plus à choisir le pire ou le meilleur des cas. Hors de question que les larmes pleuvent par les épreuves endurcies. Les années m'ont vu à l'œuvre, ils ont mis ma vie en sursis. Canaliser la rage et la voix, hurler mes déceptions et mes regrets, les deux à la fois. Et si la veille m'a trop fait penser, sur le lendemain je me dis, plus personne n'a récompensé, plus personne ne le mérite. Et mon cœur va pleurer.